comme un Bernard l'ermite qui se souvient d'anciens palais. Mon cœur coquille vide résonne encore d'anciens regrets. Un saxophone bizarre pris dans de gluants lichens mous raconte sur la plage l'histoire vieille du Jiai Fu. J'écoute monotone le bruit de l'acier et du fer. Les vagues d'assaut résonnent entre le village et la mer. Le casino en ruine frappe de stupeur l'environ. Des canons dans les ruines fument l'opium des moissons. Ma patience prolifère de la province à l'horizon. Reviens dans ton repère, mon vieux mollusque, ma déraison. Comme une fleur petite qui jamais ne se fanerait, ta petite veuve anamite t'attend encore, Jostan Meret. J'écoute monotone le bruit de l'acier et du fer. Les vagues d'assaut résonnent entre le village et la mer. Le casino en ruine frappe de stupeur l'environ. Les canons dans les ruines fument l'opium des moissons. De croupiers agonisent, frappés à mort par deux harpons. Des mouettes vocalisent le programme de l'opéra de Saigon.